consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on donne le coup d'envoi avec une nouveauté américaine du groupe Circulin. C'est un second extrait ou peut-être même un troisième extrait d'un album à venir. Il est prévu pour le 24 septembre prochain. Le titre de l'album, Core, et c'est la pièce All qu'on vous présente ce soir. Ce sera suivi de Rain Us Rain, un extrait de son plus récent album Apocalypse Now. Et oui, c'est la trame sonore imaginée par les musiciens italiens pour le film de Francis Ford Coppola. Et parlant de Rain Us Rain, vous savez probablement que le groupe va se produire le 19 mai prochain à la Chapelle Spectacle dans le cadre de la 17e édition du festival Terra Incognita. Eh bien, petite surprise pour vous ce soir, grâce à la courtoisie de l'Institut italien de la culture de Montréal, on vous offre une paire de billets. Tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est d'écrire à Terra Billet, TERRABILLET, acommercialgmail.com. Et voilà. Et Marc, par la suite, on demeure avec Rain Us Rain d'une certaine façon. Oui, tout à fait. On aura en fait un extrait de l'album du Ricardo Romano Land, l'album qui est pour titre B612. Ricardo Romano, qui est un multi-instrumentiste, compositeur et qui est également claviériste pour la formation Ranestran et pour le Dave Foster Band. C'est un album concept qui est basé sur l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et il y a également sur ça la participation de Steve Rothery. On sait que Ricardo Romano est également membre du Steve Rothery Band. Et d'ailleurs, l'album Brave de Marillion est une source d'inspiration pour cet album. Alors, on aura pour vous ce soir la pièce Compass Rose. Et ce sera suivi d'un musicien italien qui a pour nom Riccardo Zappa. C'est un guitariste qui est très connu comme un expert de la guitare classique. Il a débuté dans les années 70. Il a plusieurs albums à son actif. Et on aura pour vous ce soir un extrait de son plus récent album, Gabri Flies to Italy, avec la pièce Tsunami Una Nota. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la formation américaine Circulin. Apocalisse intorno a noi, mette croci senza Dio sul Golgota del fiume Nang. Sono giunto fino a qui, vendendo teschi e civiltà, ora troverò la mia metà. Le mani mie, guardano tramonto di bugie, assenza di ogni compagnia sul trono dell'insanità. Antiche statue, demoni, doppio volto dell'umanità, affiorano tra gli alberi. Migration, oh white birds. Lying in your silence, all times at work. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Vous écoutez CKRL 89.1. Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown de l'ensemble Natural Information Society mené par Joshua Abrams le vendredi 17 mai 2024 à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez lefimav.qc.ca. Cet automne, de grands noms de la musique débarquent au Palais Montcalm. Voyez Alain Lefebvre, Graham Nash, orgue et saxophone par Nicolas et Francis Gagnon, David Cross Band avec invité spécial Myriodor, Holly Cole et tant d'autres. Une autre saison de concerts mémorable. Billets en vente dès maintenant, toute la programmation au palaismontcalm.ca. Sortie culturelle. Je m'appelle Pamela Bisson, j'anime l'émission Sortie culturelle, votre magazine d'actualité culturelle et musicale. Les lundis, mardis et jeudis, je vous donne rendez-vous de 16h à 17h30 sur les ondes de CKRL pour un grand festin qui, j'espère, saura satisfaire votre appétit culturel. Chaque dimanche, 21h, sur les ondes de CKRL, c'est l'aventure sonore. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Pour entamer cette nouvelle demi-heure, on vous présente une seconde pièce de Rainer's Rain, le groupe qui nous visitera le 19 mai prochain à la Chapelle Spectacle. Et incidemment, comme je vous le disais tantôt, avec la collaboration de l'Institut italien de la culture de Montréal, on vous offre une paire de billets. Vous n'avez tout simplement qu'à écrire à Terra Billet, T-E-R-R-A-B-I-L-L-E-T, à commercial, gmail.com. Bonne chance à tous. Et après Rainer's Rain, on aura un second extrait du nouvel album de Sand Project, la formation allemande, avec qui nous est arrivé la semaine dernière avec un album qui porte le titre Arcane Sonic. Et puis Marc, par la suite, on a un doublé de nouveautés norvégiennes. Oui, on aura la formation Troika, qui sont de Bergen, et un extrait de leur nouvel album qui a pour titre Aldri Altid. Et ce sera la pièce titre. Également, on aura un second extrait du nouvel album de Sycophant, une nouvelle formation. Ceux-ci sont de Oslo, et c'est leur premier album éponyme. On aura pour vous un extrait de la pièce Forgotten Path. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord le bloc musical avec la formation italienne Rane Strane. Passo incerto interrogo com'è banale la realtà. Senza allenamento cado rapido da distanza ellittica. Come in un albergo, un esperimento, tutto sembra asettico, tutto è falso intorno. Un archivio a stucco, immagini riflesse da due anni fa, dalla luna arrivano. Ma adesso il tempo mobile corre con me in questo specchio mobile, muore con me. Ora capisco che io sono come un lampo in un reticolo. In the shadow of broken sky, a man stands alone asking why. His heart's went on, his love has flown, leaving him a world of stone. He walks the streets lost in his pain, trying to find some light in the rain. But memories haunt, they won't let go of the lost cherish more love than more. Shake it out. Let it be true.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown de l'ensemble Natural Information Society mené par Joshua Abrams le vendredi 17 mai 2024 à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. Autre temps, autre mœurs. Les mots, la musique. Mettre de la musique sur les mots, faire danser les mots sur la musique, marier littérature et musique. C'est l'invitation que vous lance Gilles Chaumel tous les mardis à 11h. Cet automne, de grands noms de la musique débarquent au Palais Montcalm. Voyez Alain Lefebvre, Graham Nash, orgue et saxophone par Nicolas et Francis Gagnon, David Cross Band avec invité spécial Myriodor, Holly Cole et tant d'autres. Une autre saison de concerts mémorables. Billets en vente dès maintenant, toute la programmation au palaismontcalm.ca. Cet été, laissez-vous porter par le Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Vos cordes sensibles vibreront au rythme des rencontres musicales renversantes, des découvertes artistiques inoubliables et des corps qui se déploient dans toute leur splendeur et leur intensité. Une véritable bouffée d'art pur. Émotion garantie à chaque visite. Du 29 juin au 24 août, venez vivre toute une expérience au domaine Forget de Charlevoix. On vous attend. Détails sur domaineforget.com. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne Malus Antler. Ils ont fait paraître jusqu'à maintenant un seul album, qui a pour titre Ozymandia, et qui est paru en 2017. On aura pour vous ce soir la pièce Trans. On aura également une formation norvégienne de Oslo, qui a été fondée en 2018, et qui a pour nom Mythopoeic Mind. Ce sera leur premier album, Mythopoetry, paru en 2019. Leur plus récent est paru en 2021. On aura également un extrait de la formation multinationale de Samurai of Prague et ce sera un extrait de la pièce Mira al Cuore qui paraît sur l'album de Spaghetti Epic Four. Ce sont des compositions, paroles et musiques de Alessandro Di Benedetti et on a sur ça comme chanteur Stefano Galifi qui était le chanteur de Museo Rosenbach. Et également, il y a Marcel Singer qui fait les guitares électriques. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va avec un nouveau disque en provenance du Royaume-Uni. Oui, on amorce ce nouveau bloc musical avec un second extrait du nouvel album de Drifting Sun. L'album a pour titre Veil et on écoute à l'instant la pièce de Thing. Long dark trails across the frozen lakes. We travel towards the thing through mighty forests. Along the mountain paths, we're heading towards the thing. A time to put to rest and wait for the freeze to thaw. Put all your corals from the past, begin a quest for lands of lore. Warming. We're still waiting at the thing. justice is drawn, metered out by the earl. The law is drawn up at the thing. Gather yourselves up to plan our future raids. A land of fire and ice and sand, with shield and arm and axe in hand. Trails across the frozen lakes, we travel towards the thing through mighty forests. Along the mountain paths, we're heading towards the thing. Thank you.

labbra serrate a un caro prezzo la lealtà fumò nasconde il destino un fragore di tuono minaccia la fine c'era Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. C'est KRL. Le 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants qui sortent des sentiers battus, du 13 au 19 mai 2024. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez lefimav.qc.ca. Cet automne, de grands noms de la musique débarquent au Palais Montcalm. Voyez Alain Lefebvre, Graham Nash, orgue et saxophone par Nicolas et Francis Gagnon, David Crossband avec invité spécial Myriodor, Holly Cole et tant d'autres. Une autre saison de concerts mémorables. Billets en vente dès maintenant, toute la programmation au palaismontcalm.ca. Présentement à l'affiche. Amis imaginaires, Back to Black. Le royaume de la planète des singes, un silence, IF, Madame de Sévigné et le programme Kino-Québec. Le clap pour les amoureux du cinéma. Clap.ca. Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown de l'ensemble Natural Information Society, mené par Joshua Abrams, le vendredi 17 mai 2024, à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez lefimav.qc.ca. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne Pandora, qui a été fondée en 2005, qui ont 4 albums à leur actif. Et ce qu'on a choisi pour vous ce soir, c'est un extrait de leur tout premier album paru en 2008, Dramma di un poeta ubriaco. Et on aura pour vous la pièce Pandora. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation américaine qu'on aime beaucoup. Oui, et une formation qu'on a invitée aussi souvent à se produire dans le cadre du festival Terra Incognita. Je pense, sauf erreur, que le groupe nous a visités à 3 reprises et à chaque fois des concerts étaient exceptionnels. Et évidemment, je parle de Is. Et ce soir, on va voir un extrait de leur 5e album studio, The Darkened Room. C'est paru en 2009. Je sais que le groupe travaille présentement sur un nouvel album studio et on va être très heureux la journée que ça va arriver puisque Don't Panic est sorti en 2019. Mine de rien, ça va faire 5 ans. Mais pour ce soir, on va écouter un extrait donc de Darkened Room. C'est la pièce Stumbling. Stumbling. caso parve vuoto. Pandora guardò nell'interno, c'era ancora un grazioso uccellino sulla terra. Era l'unico bene rimasto ai mortali, a conforto delle loro sventure. Pour conclure l'émission de ce soir, on a choisi une autre formation américaine qu'on aime beaucoup, Ecoline, et ça va être un extrait de l'album The End is Beautiful. C'est paru en 2005. On a retenu la pièce Misery, Not Memory. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.